Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, c'est Nuisance, il est 21h. Comme tous les vendredis, presque. Ou. Un peu trop de basse sur ma voix maintenant, ça va un peu mieux, c'est parfait. Nous sommes fin prêts à l'arsener par exemple. Tomates pelées. Le commencement était la liste des courses. 2 cuillères de paprika, 2 cuillères de rice ranouta, 2 cuillères de safran, 6 huitièmes de morceaux de coulis d'agneau, 1 gigot d'agneau, 1 poulet, 8 merguez bien grosses et juteuses, 1 kilo de semoule. Courgettes. Avril 1952. l'assurance de voiture. Fuite. Les mondes des terres pures se situent dans des univers éloignés, mais l'être dans l'état intermédiaire peut s'y rendre à la vitesse de la pensée. Grâce aux capacités miraculeuses de son corps mental. Le véhicule immatriculé 509HK3 31 est appelé à être déplacé. Rendez-vous jeudi 18h30 à la MAP 3 rue Escoussière. Des êtres y naissent dans des boutons de lotus et non d'une matrice. Faut pas que t'oublies les poireaux, les œufs, le lait, les lardons ou pas, le beurre et le fromage. À nouveau, si tu ne peux pas ou si tu ne veux pas te rendre dans l'une des terres pures, et que tu dois entrer dans une matrice, voici les instructions pour choisir une matrice dans le cycle impur des existences. Dans ton cul. Frauder, c'est voler. On a tous à y perdre. Compteur numéro 509 km. Ajoutez la tierce. Et mélanger cela avec un peu de jute de yak. En usant de ta clairvoyance, entre dans une matrice là. Il convient de faire attention, car même si tu devais renaître magiquement sur un tas de fumier, tu croirais que la masse impure sent délicieusement bon. Et tu renaîtrais en elle par pure force d'attraction. Attraction, vite, venez vite. 5 euros la passe. Passez. Ne trépassez pas, mais venez passer un petit tour de manège dans l'attraction principale de notre forêt de destin. Destinez-vous. Ou destiné, allez-y, venez. Accaparé. Ô noble, écoute sans relâche. Le monde intermédiaire bénin s'est déjà manifesté, mais tu n'as pas reconnu la lumière. Décrite par Marx. Aussi, tu dois maintenant encore errer par ici. Dans les enclosures. Les premiers mouvements ouvriers ont été la lutte contre le pouvoir des machines. Avant l'usine. C'est pour ça qu'on a eu une lutte pour conserver l'usage des communs. Car la machine dépossédait des savoirs. La question des communs réapparaît au début des années 80. Les années 80 montrent un second mouvement des enclosures. Accaparation des vivants et des savoirs. On parle d'économie des savoirs. Privatisation des connaissances. On a créé de la rareté au niveau de ces connaissances. En lien avec ce qu'ils appellent la tragédie des communs. Ils pensent résoudre avec la privatisation. Samaya Guilla Guilla Guilla Guilla Samaya Guilla Guilla Guilla Samaya Guilla Guilla Guilla ouais samba. Écoutez la chanson du paysan. Le temps s'est mis à me lâcher quand mon estomac trembler face à l'insouciance et à la dévergénescence, car la verge était le pouvoir de l'obsolescence actuelle. Mais nous sommes maintenant en l'an 2052. Tous les gens ne sont plus des gens. L'amour s'est envolé au loin dans les prés inexistants pour laisser place à des immeubles et des immeubles et des hiboux en métal qui, dans la nuit continuelle, se sont mis à s'entre-dévorer pour laisser place à un chaos total. Le monde, comme nous le connaissions, n'est plus que le monde que nous connaissons actuellement, car la lumière a laissé place au noir profond de chaque être, et l'oubli et les sciences et la merde ici. Qui c'est qui a écrit cette connerie sur les papiers là, hein? C'est la merde, on comprend rien. C'est qui ça? Alcool, 4,7% du volume. On comprend rien, vous voulez pas répéter? Et quand t'en bois trop, tu lagues. Je comprends pas. Habitants de la terre, vous éternisez. Les immeubles, les immeubles, les hiboux de métal se sont mis à s'entre-dévorer. Je répète, les immeubles, immeubles, des hiboux qui se sont mis à s'entre-dévorer, qui étaient en métal, se sont mis à s'entre-dévorer dans un noir le plus noir et total que le monde n'a pu chaotiquement concevoir, car le chaos n'est plus une conception de construction, mais poète, qu'un poète, chaos poète, est usué. Dans mon une cul longue et longue et longue. Oh l'eau, ça y est, il va recommencer. Allez, recommence avec ton antienne, là. Allez, t'as pas dit merde. Attends, c'est quoi que tu dis d'ailleurs, toujours? Ouais, c'est de la merde, c'est de la merde. Nuisance 92.2, c'est de la merde. Je veux Canal Sud, c'est de la merde. Ouais, dans mon cul. Sinon, laissez le studio propre. Propre et pur, pur comme la chute de merde. Allez-y, mangez-en de la merde. J'ai un carnet noir. Mais dans l'intérieur, il est rouge. Peut-être est-ce un vestige du petit livre de Mao. Ouais, ça doit être ça. Eh, Mao, reviens. Mao, reviens. Est-ce le livre de Moa? Mao, reviens. T'as trop de mana. On a besoin d'un mandat. On dirait une vache. Les derniers jours de Kurt Cobain. Ah ouais, il y a un peu de ça, ouais. Kurt Cobain n'est pas mort, c'est pas il vrai. Il était toujours roux, mais il avait perdu le panache. C'est une rumeur, Kurt Cobain n'est pas mort. Non, il était blanc. À la fin, il était blanc. Je voudrais chanter une chanson dont je vous parasite avec mes autres trucs, quoi. Une chanson, ça, on vous entend pas, quoi. Une chanson de Kurt Cobain. Vas-y, vas-y. Allez vous faire enculer. Allez vous faire foutre. C'est ma mère qui me l'a dit dans ma moumoute. Je l'encule à sec. Et tu la broutes. Vas-y, tu la broutes. L'encule à sec. Je l'encule à sec. Je l'encule à sec. C'est la merde. Ouais, la merde, on pue, la cul de merde, la culotte. La culotte à l'avant est pleine de merde, je l'encule, elle est pleine de sang. Ah, ah, ah, ah. Avec ça, t'étais bien parti. La merde. On m'aurait menti. Y'en a de la merde. Cauchemar dans ton placard, mais il y a de la merde dans ton tiroir. depuis, ouais, c'était un gros. Je vais vachement mieux parce que j'ai changé de système d'exploitation. Pareil, je me surexploite maintenant. Bah en fait, je suis un. Je me sentais sous-exploité, moi. Un méta salarié. Avant, je dis. Un méta salarié. Du genre qui aime sa prison. Du genre qui traîne son caillou tous les jours jusqu'en haut de la montagne et qui le retraîne tous les jours du bas de la montagne jusqu'en haut de la montagne. Fumer peut diminuer l'afflux sanguin et provoquer l'impuissance. Dans mon cul. Et ça, ça a certainement été inventé par des gens qui ont lu la volonté de puissance, soi-disant de Nietzsche. Dans la chatte. Ils ont voulu contrer la volonté de puissance. Nietzsche, viens Nietzsche. Dans c'était, le cul. Ceux qui ont inventé Nietzsche, la clope, c'était des féministes en fait. Elles ont voulu combattre le phallus en fait. Dans le cul. Elles ont eu cette idée dans la chatte en fait. Dans la chatte, dans le cul. Rage n'est pas mort. Ah, nous ne sommes pas en Allemagne nazie. Nous sommes en France libre. Non mais je parlais de Willem, hein, moi. Non mais vive la France libre. Libre. Libre. Liebrenstein. Bonjour, docteur. Vive la France. Docteur Liebrenstein. Je dirais même vive la France libre. Vive les Français libres. Je sais pas si vous avez libre. Compris. Et oui, j'avais jamais fait la relation Frankenstein et Frankreich en fait. Frankenstein. Frankenstein. Et oui, ouais. Il y a celui qui faisait Rammstein. Et vous savez quand même que là vous la connaissez pas celle-là, je suis sûr, parce qu'en fait il y a deux frères, il y a Albert et Frank. Albert Einstein et Frankenstein. Et donc ça c'est comme ça, c'est comme Mr. Hyde et Janis Joplin. C'est qui Mr. Hyde? C'est le. Mais c'est Hyde. Mr. Hyde, le mec qui a inventé le parc, le Hyde Park. Zeig. Zug, c'est un train en fait, c'est ça? Attends, je comprends plus rien. Attends, je cherche un truc. C'est important que je trouve. Attention, t'es sur la voie ferrée. Je crois que le train il approche, fais gaffe. Il nous faudrait offrir un cadeau à la machine. Je crois que t'es mal. Petite machine. Je crois que t'es malade. Avec laquelle on appuie sur des boutons et qui envoie des sons différents. Quoi faire? Faire encore plus de son. Mais non, ça fait chier les écrans, les enculent. Mais plein de petits boutons. Ensuite, tu éprouveras inquiétude, colère et terreur. Des sons de merde, tu veux dire? Non, des sons pourris. Des sons en tremblant, tu mentiras. Trop bien. Ah, pour faire des trucs pourris avec, c'est ça? Ah, excellent, bien vu, ça c'est marrant ça. C'est pas comme ce que je suis en train de faire quoi, c'est pas un truc pourri quoi ça. C'est non, bien. C'est bien ce que tu fais. Je suis quelqu'un de bien quoi. La personne la plus belle que je connais. Attends, je t'avais dit en mi, c'est en normal, mi. T'es juste au commencement. Mi. Et après, tu trouveras quelqu'un de plus beau. Mi. Tu trouveras quelqu'un de plus beau. Mi. Tu seras prisonnier de toute cette beauté. Mi. En esthète, tu voudras toujours t'éter. Ah. Oh. Ré. Mi. La ré. Thank you. Voilà, donc on est là avec vous, quoi. On est là pour vraiment vous divertir. Oui. On est là pour s'amuser, quoi, tu vois. On n'est pas là pour se faire chier, hein. Ouais. On n'est pas là pour faire chier non plus. Vous êtes. On n'est vraiment pas là pour faire chier. On est là, c'est sûr. On est vraiment hal, les gars, hein. Ouais, hein, c'est vrai, on est hal, hein. Dans la seule plat, quoi. On est hal, ouais. On est hal, ouais, c'est vrai, c'est trop de la balle. Vas-y, fais voir ton rhum, je vais boire ton rhum, je vais te bourrer, je vais dire n'importe quoi, comme ça au moins ça va motiver un peu l'ambiance. Merde. Allez, Lidl. J'adore ta façon de humer. Oui, donc c'est la difficulté ce soir. Hein. Humer. Il fallait bien qu'on se trouve en difficulté, n'est-ce pas? Ouais. Et la difficulté, ça, là, est de humer une fleur et de deviner la couleur. Dans mon cul? Je pense que c'est une fleur fécale. Ah oui. Parle-moi de hal. C'est peut-être même une fleur qui produit de la faisselle. Dans le cul ? Le cul de faisselle. Oui, très sale. Il a les fesses sales. Oui, très. Tu m'aimes pas ? Moi non plus. Non. Tu m'aimes pas ? Je n'aime pas ça. Tu veux bien m'enculer ? C'est sale. Et ton espèce. Encule-moi, je m'aime pas, s'il te plaît. En somme. Je t'aime pas, tu veux bien m'enculer s'il te plaît? Je vais te mettre ton compte. Tu veux bien m'enculer? En fin de compte. S'il te plaît. Je suis pas aux pièces. Tu m'aimes pas. Je vais te la mettre. Toi non plus? Dans la fente. Tu m'aimes pas? Tu veux bien m'enculer? S'il te plaît. Quand même. S'il te plaît, tu veux bien? Ça ne me plaît pas. Je m'aime pas. Je vais quand même le faire. Tu veux bien m'enculer? C'est moi qui dis quand et où. Parce que si je te laisse faire, ça viendra jamais. Destruction, tout n'est que destruction. Mais ça manque un peu de sel. Désagrégence, rien n'est pas désagrégence. Mais et désagréger tout, la merde, c'est nous. La merde désagrégée, c'est la pire. Ah, l'azur, le bleu, le beau, l'azur bleuté dans mon cul qui pue. Ah, la zup, je mate dans les jupes, le toutes les putes. À sec et les putains, c'est moi parce que j'aime ça être une putain. J'en ai rien à foutre, ça me fait du blé. Comme ça, je suis content, je peux m'acheter plein de trucs pour mes mille enfants. De pute. Je suis le monde. Ceux qui jouent de la flûte. Le monde, la putain, qui nous dérive à travers le radeau de la méduse dans mon fion. L'encul. C'est pas la merde, c'est plutôt la pisse. La pisse qui pue, la merde, le camembert aussi pourri. La merde n'est pas moulée à la louche. Elle est moulée dans mon cul qui pue. Sous les aisselles et en forme de faisselle. Ça te conduira tout de suite sur le trottoir. Si tu veux faire un peu d'argent facile. Il suffira de faire une carrière. Et bien sûr, de nous ouvrir tes cuisses. Oh fuck me please, fuck me, fuck me shares. Fuck me bears. Fuck me bears. Butt fuck me. Ass fuck me. Fuck my asshole. You are the hustle of my life. I like to be fucked in the ass. I love to be fucked in the ass. I love, love, love to be fucked, fucked, fucked in the ass. Isn't she ass, fuckly? Ass. Ah, c'est de la musique, hein. Non, c'est de la musique. Hein. Thank you. Et tu sais que j'ai envie d'en mettre un chez moi. J'entends rien de ce que tu dis, j'en ai rien à foutre. Un gyrophare bleu pour Farid pour son anniversaire. Un grand gyrophare bleu. Il aime les hommes en bleu, Farid. Il aime quand il se fait violer par les hommes en bleu. Il aime ça, se faire violer sur une moto surtout. Sur une grosse moto. Permis sur la voie publique tant que tu es habillé en bleu. En fait, du coup, on nous entend discuter, parler, on est en train de faire des choses. Les hommes bleus. Eh, faut mettre le casque. Eh, faut mettre le casque. Même à la radio, faut mettre le casque. Mais alors, ce qui est bidon quand même, c'est les cums qui mettent le casque au vélo. Hein. À vélo, pardon. Parce que alors là, même faut rire. Et d'abord, comme je les insulte, parce que moi je suis devenu réac, hein. Faut vous dire, moi je suis devenu réac. Et quand je vois des cums qui. Comment ça s'appelle qui roulent à vélo sur le trottoir, je leur dis excusez-moi monsieur, le trottoir c'est pour les piétons. Et que ceux qui ont les casques, je rajoute t'as oublié ton armure. Dans mon cul. Ouais, j'ai réussi à le placer ça. Et même les Jones là, ça je le faisais pas avant, au contraire, je faisais l'inverse. Mais alors maintenant, dans les Jones, je leur fais enlever les pieds des sièges sur les bus. Et une fois, alors là, j'ai une pire histoire. Les PD des sièges des bus, attends, ça n'a rien à voir, ça n'a aucun rapport. Pourquoi tu parles d'homosexualité comme ça? C'est dégueulasse. Alors, s'il te plaît, arrête. Dans les bus, on a le droit d'en parler partout. Et alors, un jour, il y avait un cum. J'en ai marre, on peut pas parler d'érection comme ça, n'importe quand et n'importe où. Non, c'est vrai, on peut pas parler d'élection, ouais. Non, d'érection, j'ai dit. Ouais, non, je sais, c'est l'abscis que je fais toujours. Non, il faut pas parler d'élection. D'érection, j'ai dit qu'il fallait parler d'érection, en fait. Pourquoi j'ai dit le contraire, peut-être. Ouais, donc je vous disais l'histoire du cum là, en fait, je monte dans le bus, machin. C'est quoi l'histoire du cum? C'est quoi l'histoire du cum? C'est quoi l'histoire du cum? Je monte dans le bus et puis je vais au fond et tout, et puis le cum, je le chauffe là pour parce qu'il avait les pieds sur le siège. Je dis, l'autre il me fait un peu le barbeau et tout, machin, il sort pas. Et là, il y a les trois hurleurs, les trois contrôleurs qui montent, je sais pas quoi, trois arrêts après. Ils font leur business et tout, ils demandent les cartes à tout le monde. Et l'autre, le cum, il enlève ses pieds avant qu'ils arrivent. Et là, je le regarde avec un petit sourire comme ça. Et voilà, mon pote, tu fais moi le barbeau là, tu sais, avec les contrôleurs. C'est quoi l'histoire du cum? Ils sont. Mais les hommes bleus, ils sont plus. Je sais pas si j'ai la bonne solution au problème de la vie parce qu'il n'y a pas eu encore de corrigé. Astublif. C'est malsain l'ambiance encore. Ouais, parce que ouais. Moi, mon rêve, ça serait d'apprendre le néerlandais. Moi, je trouve que ça sent la merde. Mais l'islandais aussi, ça a l'air pas mal, mais je sais pas. Et les yaourts sénégalais, ça existe? Les yaourts sénégalais, je crois qu'ils en ont. Ils ont de la bière à la banane, hein. Ce qui paraît, et au yak. Au yak? Ah, on en parlait tout à l'heure du yak. Ouais. Ah, bah, il est en train de parler un dac. Ou un doc. Un duck. Un drac. Ouais, parce qu'on a un yak avec nous. Ouais, mais les le yak parle à drac. Ah, le yak parle à drac. Ouais, c'est ça, le yak parle à drac. Il préfère être drac parce qu'en tant que sherpa, il vaut que dalle. Ouais, c'est clair. Et t'es même pas un kerzing, mec. Il sait même pas faire du thé. C'est comme ma bite. Ouais, ta bite, elle sait pas faire du thé? Non, elle est petite. C'est pas parce qu'elle est petite qu'elle peut pas faire du thé. Non, parce que. Ouais, il y a une petite cafetière. Quand on a parlé d'Iac, en fait, j'ai pensé à ma bite, elle est trop petite. Ta bite? Vaut mieux habiter un petit chez soi qu'un grand chez soi. Ouais, si tu lui fais pas de thé, surtout. Ça dépend du Iac. De toute façon, c'est pas la peine, c'est pas le problème de la bite, c'est d'avoir des couilles, en fait. Ah, ça, c'est le problème d'autrui. D'énormes burnes. Moi, mes burnes sont énormes. J'ai une toute petite bite, mais une énorme couille. Ça veut dire que t'as beaucoup de thé, pourquoi tu dis de la merde? Ah merde, dans mon cul. Mais dans ton cul, je veux bien. Ouais. J'ai un pote à moi qui a trois couilles, et c'est vrai en plus. Moi j'aimerais bien avoir deux bites. Moi j'en veux trois parce que comme une crabe. Quand t'as une petite. Les crabes bite, ils ont deux bites. Avec une petite bite, tu peux baiser des petites fentes, genre des urnes. Ouais, c'est cool. Nous on est des mecs, on parle de bites et tout. Ça doit être trop. Tu crois que les meufs elles parlent de chattes? Alors nous on va avoir des grosses chattes, j'aimerais bien avoir une grosse chatte. Des bites, là, justement j'ai une grosse chatte. Une chatte avec un gros. Une énorme chatte quoi. Comme ça, plein de gens. J'ai perdu ma chatte. Il y a plein de grosses bites qui pourraient voter. Ouais, des grosses. Où sont mes ovaires? Dans mon cul, dans mon cul. Où sont mes ovaires? Dans mon cul. Non, ça fait chaud même en hiver. Près mes ovaires. Multifruchten. Alors teuf, on met des clochettes au même. Multifruchten. Ouais, c'est pour pouvoir les repérer de loin. J'aimerais bien, ouais, bien avoir un jeu pour crocheter toutes les fentes. Ah ouais, c'est ça, ouais. Mais des fois, elles s'ouvrent toutes seules, y'a pas besoin forcément de crochet. Ouais, mais en fait, le trésor derrière, bah y'en a. Ouais, ouais. Get it like. Ouais, en général, ça a déjà été pillé, mais c'est pas très grave. Get it like, hop, basis. C'est tout le principe de la fente, de la porte à forcer, en fait. C'est une surface qui mime une profondeur. Ouais, ouais. Reprendre encore Nies et Jutsu. Gewalt. Le plat. Je vise les seins plats. Minimum. Le cul plat. Je vise une moule pas fraîche. Ah ouais, de la moule pas fraîche. Sale. Un venin. Je vise la merde. Une bière. Plaisir. Wein und Bier für Rier. Ja, ein Fried, Tristan. Da. Digga, ein Todeling, bling, toin, boing, boing, boing, toin, boing, boing, boing. Ja, ja. C'est bien, c'est néerlandais, ça. Ja, ja. Ja, ja, Vlamstein. Boing, boing, boing, boing, boing. Néerlandais. Vlamstein. Explication. Vlamstein, c'est flamand. C'est Vlamstein. C'est de la boisson. C'est Vlamstein. C'est Vlamstein. C'est Vlamstein. Bier und Wein, Venein. C'est Vlamstein. Bière sur vin, venin. C'est citrique. Vin sur bière. Plaisir. Est-ce que quelqu'un a déjà goûté de la bière sur lit? Un blanc sur lui. Il doit y avoir de la bière sur lui. Ça vient de France. C'est pas possible. Non, c'est impossible. Non, parce que le vin sur lit, c'est le raisin qui est préfermenté sur de la paille. La boisson minérale, elle est cool. D'accord. Et peut-être tu me trompes, mais ça doit être une. Peut-être dans le vin jaune, ça doit être ça le goût de paille. Le vin jaune. Le vin jaune, tu connais pas? Non, je connais pas. C'est le vin de paille. C'est du vin du Jura. Ah, du vin de Jura. Et c'est du vin qui vendange. C'est pas des vendanges tardives comme à Bordeaux, mais c'est, ils le ramassent vers novembre. C'est super. Et donc tard. Les petites grappes, ouais, les petites grappes, disons les grappes. Elles sont gelées. C'est juste avant les premières gelées. Il paraît que c'est juste à la gelée, tu les ramasses. Et en fait, les grains font comme le raisin de Corinthe, quoi, en séché. Et là, tu les mets sur des lits de paille. Et hop, après, tu les presses et tu fais du vin. Et ça a un drôle de goût, hein, on dirait je sais pas quoi, ouais, c'est un truc super amer, super, c'est du blanc super liquoreux amer. Quoi. Ouais, mais j'avais goûté un vin que j'avais pas trop kiffé, ça s'appelle comment ? Du McVin. Ça vient de la Suisse. Ah et oui, j'ai déjà goûté ça. Fromage avec ça aussi, avec du McVin. Ouais, et quand t'en fais chez toi, t'as l'impression d'avoir pris toutes les chaussettes de tous les quepons de la ville et de les avoir fait chauffer. Ah ouais. En général, le jus de chaussette, c'est plutôt le café, quoi. Ouais, mais... C'est couleur café aussi, c'est ça. Ah ouais, ça me fait comme ça me fait penser à quoi. Un truc de quoi ça s'appelle. Merde, un jour, j'allais souvent dans un bar et tout, ça sentait la chaussette. Mon pote, tu sortais. Et en fait, quand tu le savais, mais même quand tu le savais pas, tu rentrais. Non, peut-être pas quand tu le savais. Quand tu le savais, en fait, tu savais pourquoi. Parce qu'en fait, le mec, il faisait des plats de fèves. Genre à l'oriental et tout, et qui tue super longtemps et tout dans la tomate. Il y a un chaoui là-bas qui essaye de jouer à la guitare. Non, c'est pas ça qu'on parlait. On disait dans mon cul ou on parlait de cul, un truc comme ça. S'il y a moyen de parler de cul, quoi, il y a des berbéroïdes. C'est illicite dans moins fort. Il y a un berbère là-bas. Il y a un berbéroïde là-bas. Il y a des arabes. En plus, ça n'a rien à voir. Il se fait pousser la barbe exprès pour qu'on ait peur. Non, c'est vrai que ça n'a rien à voir en plus. C'est pas parce qu'il est rebeu qu'il sait pas jouer de la guitare. Ouais, mais il peut te la mettre dans les fesses, hein, aussi. Ah voilà, ça m'intéresse. La guitare, ouais. Vas-y, continue là. Ça doit être juteux, ça. Ça doit être juteux. Faut voir saignant. Et lui, il aime bien quand il y a une bonne caisse de résonance, tu vois. Ouais, mais déjà, tu vois, le truc là où on fait les accords et tout, le manche, déjà, c'est ça commence bien. C'est pas une guitare Fender, c'est une Fatass, tu vois. De vrai Fatass. Dans mon cul, je veux dire. Ouais, tout le temps dans ton cul. Canal Sud 92.2. H24 dans ton cul. Mon petit bambino. Nuisance, la musique qui nous. Toi, je te coupe, j'en ai marre de tes conneries là. Il y en a qui prennent des shoots de son. Il y en a qui prennent des shoots de son sur internet. Ils téléchargent des sons comme ça qui durent une demi-heure pour se mettre grave en bad. Ouais, mais t'as pas entendu parler des sons, je sais plus comment ça s'appelle, mais à ce qui problème paraît, sur problème ça fait comme sur problème. LSD, t'écoutes ça pendant une demi-heure, ça te donne les mêmes effets que de l'LSD ou de la LSD. Quoi, l'LSD? Ah ouais, c'est une drogue psychédélique. Et y'a moyen de la mettre dans le cul. Ouais, ça c'est cool ça. Et c'est vrai, il m'a coupé. Et dans le cul, c'est trop. LSD, la seg uniforme. Ça coûte plus cher qu'un carton. Ouais, c'est bon ça, ça rime avec carton. Ouais, ouais, c'est super cher comme musique. Et ça y est, on a coupé la galette. Le cul est directement relié au cerveau, bah mec. Ouais, c'est parce que t'as les glandes de. Qu'est-ce qui se passe? Le système nerveux est vachement étendu. En tout cas, pour les hommes, qu'est-ce qui se passe là-haut? On a coupé la galette. Et après, tu jouis sur toi-même. Mais t'as jamais remarqué que quand on mettait dans le truc dans le cul, tu jouissais, la jouissance vient du cerveau, mec. Tu vois qu'il y a un lien. Parce que c'est jouissif en même temps, le truc dans le cul. Oui. Mais tu jouis par le cerveau. Moi, je suis pas catégorique ça, là-dessus. On a des bites à la place du cerveau. Je dirais pas pour tout le monde. Des bites à la place du cerveau. Oui, parce qu'on jouit par le cerveau. Comme si on était un gros ordinateur, en fait. Oui. Un ordinateur, je sais pas. C'est parce qu'on est à l'époque de la technologie, mais je dirais que je suis une bite. C'est ouais, assez simpliste. Ouais. Ça suffit. T'es un joystick, mec. Qu'est-ce que je fais avec tant d'enfants autour de moi qui ne veulent plus rien apprendre? Ils veulent plus rien savoir. Ou peut-être celui qui vient de se joindre à notre table. Le savoir, peut-être qu'il y a encore un espoir pour lui. On en viendra tous à vous. Le savoir, c'est à vous. On en viendra tous à vous. Faut faire comme les Khmer Rouges. Tous ceux qui ont un peu trop de savoir, on les crève. Comme ça, tout le monde a une même égalité. Tout le monde, c'est mieux. Femmes, moi je préfère quoi, violer les femmes et tuer tout le monde. L'humanité est tournante. Mais on garde tout nos femmes, on cherche parce que c'est mieux. Toutes les femmes. Ça, c'est préférable, non? Mais arrêtez de raisonner. Mais moi je raisonne pas. Vous entend pas, les gars? On vous entend pas, Non, mais vous pouvez pas parler c'est plus ça, fort, quoi, je sais pas. Non. Pourquoi pas parler de mon cul plus fort? Mais ton cul, t'en as que pour ton cul! S'il te plaît, ouais. Non? Ouais, parle-moi de mon cul encore. Ouais, et parle-moi du truc que tu mets dedans. Ouais, tu sais, ouais, on parlait ça tout à l'heure. Bah ouais, le micro par exemple. Mais il faudrait que tu te rapproches de moi. Ouais. Mais seulement si c'est propre, c'est pas mon micro mais, alors. Mais t'inquiète, faut qu'on trouve une capote. Ça va, c'est cool. Ah, pardon. C'est cool. Ah, on me pousse. T'aimes pas les MST? Tu te casses, ouais. Sans confiance, tu n'avances pas. À part avec les hommes en bleu. Avec eux aussi, tu avances pas. Même si tu as confiance, tu recules même. Je t'enfonce. Mais avoir confiance en plus qui? Plus bas que tes dettes. Plus bas que ce que tu as gagné. Avoir confiance en qui? En toi? Des hommes en bleu. Des hommes en bleu. C'est partout, mec. Ils le violent. Ils le violent énormément. Ils aiment bien. À chaque fois que je prends le bus, le métro, une voiture, une camionnette, à chaque fois, une moto, ils sont partout. Les hommes en bleu. Et ils ont beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Ton argent et ton cul. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, moi j'en suis pas responsable. Je pense qu'ils viennent d'une autre planète. T'en es conscient, ça veut dire que tu en es responsable. Il y a plein de lumières qui clignotent, qui m'éblouissent. Je pense qu'ils viennent d'une autre planète. Mais c'est surtout dans son cul que ça se passe en fait. Ah, du sperme plein de foutre. La planète de la gendarmerie nationale. Le cul en fait. Ouais, mais ton foutre il est trop sexy. Hein. Il sent trop bon ton foutre. Franchement, mais j'aime en avoir sur le corps. Ah ouais, ça donne vraiment envie de baiser, putain. Ah, c'est tellement jouissif tout ça. du foot partout sur ma gueule, partout sur ma face, partout sur ta face, partout sur ta face. Faudrait que vous m'expliquiez parce que j'ai toujours pas compris pourquoi il y en a qui aiment faire ça. Je suis peut-être naïf, hein, mais c'est là toute la domination, c'est de l'art dominatif, exactement. Et c'est qui domine? C'est celui qui se prend du foutre ou alors c'est celui qui... Qui le reçoit? Ben ça dépend. Eh ouais. C'est vrai ça. Je pense pas qu'il y ait aussi autant de belles personnes qui prennent leur plaisir. Si, je t'assure qu'il y en a plein. Hein. Et moi j'avais lu un truc. Ça marche à tous les coups. Mais je t'assure, hein, c'est pas du mytho. Hein, dans un magazine de cul. Regarde, je te vois sourire. Tu sais que le foutre. Tu penses au foutre. Ben, ouais. Enfin, une meuf, ça y est. C'était une actrice de cul. Tu es le foutre. Le foutre, tu deviens le foutre. Et on sommes tous le foutre. Pourquoi ça serait rigolo? Du sperme. Elle sniffait du sperme. C'est vrai. Et ouais, c'est complètement ouf. C'est trop fort. C'est vraiment hallucinant. En fait, c'est plutôt dans le rapport visuel. Quand tu te fais filmer en train de te prendre du foutre et que tu rigoles. Bah ouais, ça veut dire que t'en as rien à battre parce que t'en as déjà battu tellement. Ah ouais. Ouais, c'est cool, ouais. À mon avis, tu te rapproches de la vérité là. Je pense que c'est un cercle. C'est un cercle ? Ouais, quand tu te fais dominer, tu prends dans la gueule. Mmh. Et du coup, il faut que tu redonnes, ouais, parce que c'est normal, tu vois, c'est... Mais non, c'est pas forcément ça, tu vois. Attends, écoute, le sadomasochisme, je connais, oui. Ah, le sadomasochisme, sad, hein. Et manger de la merde, surtout. Non, sad était en tôle, il pouvait pas manger de la merde, en fait, il pouvait rien faire du tout. Je sais pas qui c'est qui est dominé. Il était enfermé, il avait pas le droit de faire quoi que ce soit. Sad... Ouais. N'a jamais pu faire quoi que ce soit mais dans nous, ta vie. Mais oui, on est libre. Et moi je prends conscience, manger de la merde, ça fait du bien. On enlève toutes les toxines de ton corps. Sad, il a écrit son truc en prison. T'as la chiasse, et quand t'as la chiasse, et ben tu enlèves tes toxines. Et d'avoir la chiasse tout le temps, c'est mieux. Comme ça, tu manges ta chiasse et t'as encore plus de toxines. Tout ce que je dis, tout ce que je peux reprendre, tu reprends pour donner. Tout ce que je dis, c'est qu'en prison, on n'a pas forcément l'occasion de manger sa merde. Mais bien sûr que si. En prison, nous avons tous l'occasion de manger notre merde. Vous allez manger votre merde. 16 nous sommes là de pour cacher son âme chaud. Et accomplir les désirs qu'il n'a pu accomplir. C'est pour ça que je mangerai ta merde. Avec et qui se l'étalera sur le corps. Oui, mais ce que je dis, c'est que Sad, il ne le mangera pas. Oui, mais avec ou sans ta volonté, je te ferai chier. Je t'assure que je retrouverai son corps pour lui donner ma merde. Tu vas chier, mon gars. Et je vais manger. Mais moi aussi, j'aimerais beaucoup mettre dans ma bouche ton caca. Oui, mais chacun sa merde, mec. Et la sienne et la mienne. Mais donne-moi ta merde. Et je prendrai la tienne. Mais oui. Les chiottes, c'est fini. C'est vrai que les prisons et leur manque de micro-ondes réchauffent merde. Ouais, c'est vrai. Si la merde était toujours plus chaud, eh ben ça serait mieux à s'envoyer sur la gueule, non? Oui. Moi, je trouve que la merde chaude, déjà, c'est une meilleure odeur. Elle est un tout petit peu plus forte. Et puis, c'est mieux à étaler. Personnellement, moi, j'aime la merde pour son côté pratique. Frôle le coït quand il pénètre ton doigt. En fait, toute votre créativité s'est envolée quand on vous a dit de parler de la merde. Non, justement. Mais la merde, c'est super bien. À 37,5, pas ça plus, donne pas moins. Ça donne quelque chose à de quoi de parler, non? Ouais. À manger. Mais apparemment, ils ont besoin d'en parler, ils n'ont pas d'imagination pour autre chose. Non. On ne parle pas avec de la merde, mais pourquoi faire? Est-ce que tu aimes le gigot d'agneau? Le gigot d'agneau, j'adore parce que c'est trop bien un chien. C'est un rejet quelque part, c'est quelque chose qu'on éjecte de notre corps, on a besoin d'en parler, donc on parle de merde, tout comme quand le produit en fait, non? Je pense que si on est honnête avec moi, je consomme de la merde, pour moi c'est vraiment un produit, j'adore ça. Si t'es honnête avec toi-même, la merde, c'est ma vie. Tu passes par ce stade-là, si tu veux. Dommage, c'est aussi France, cher. Avec le beurre, force, avec tu la connais. L'huile d'olive. Si tu t'assumes complètement, pour manger, pour pouvoir chier, pour pouvoir m'étaler ma merde sur mon corps parce que j'aime ça. Déverser ma merde exactement sur les autres, c'est de ce que vraiment ça, devient, ça qui est bon. Parce que ça doit, parce que ça doit devenir sur la gueule des gens, et au final. Et ne nuire à personne. Parce que si, ben si. Encore il faut une fois, là, je pense que s'il y a la merde, il n'y a pas de nuisance. Si tu t'assumes pas, tu parles de merde tout le monde. Je me nourris, je recrache. Merde, c'est beau. Là où il y a de la merde, il y a l'homme. L'homme aurait très bien pu ne pas vivre sans chier. Mais il a choisi d'ouvrir la poche anale. Comme il aurait choisi de vivre. Ça, c'est pas le choix, t'es obligé. T'as pas le choix, t'es obligé de chier. Par contre, tu peux choisir la destination. Dieu est-il mais un ouais, être la destination, c'est pour tout le monde. Tout le monde a droit de la merde. C'est de la merde. Coli, c'est un droit. C'est le droit refuge. S'il en est un. Toi, en fait, j'ai un dossier sur toi s'il et tous tes potes là. Il faut. Parce qu'en fait, une fois, vous avez chié et chié et chié et vous avez tué les organismes qui mangeaient la merde avec de la javel. Vous avez lancé de la javel. Vous avez détruit l'écosystème qu'il y avait dans votre fosse sceptique. Et la merde vous est revenue. Vous avez tellement... Vive la merde. Nous, on nique nos fosses sceptiques parce que c'est pas bien de manger de la merde quand on n'est pas comme nous. Parce qu'on veut de la merde. Nous, on aime la merde. Non, ça oui, ça ils l'ont fait. Mais quand ils ont balancé de la javel dessus, eh ben il y avait plus aucune bestiole pour bouffer la merde. Faire des trucs que je fais pas. Alors qu'ils sont pas conscients du monde qui les entoure. Je parle grave de chier. Autrement dit, j'ai une vie de merde. Et tout le monde me méprise. Moi j'ai pas besoin d'appareil, je peux faire la même voix. J'en bêtise mais en pire. Parce qu'on est même sur la voie. Parce qu'on en est même. Sur la voie bonne ou mauvaise. Autrement dit, je fais rien. Je est-ce prends pas de risque. Comme ça, je ne peux pas viens me tromper. Moi, je me trompe moi-même. Autrement dit, j'ose rien faire vu à mon refus d'avouer que j'avance pas. Que autrement j'aime dit, la merde je dis rien. Parce que j'aime oh, la merde. Je parle, mais oui. N'aborde non, pas non, les sujets. Non, j'aime la merde. Moi, j'aime la merde. Arrête. J'aime la merde. Arrête. J'aime bien le mec qui parle comme un canard. Ouais, la merde. Ouais, donne-moi de la merde. Plus de merde. Plus de merde. Autrement dit, j'observe ce que je fais en me disant que je suis sage, sans faire bien ce que je fais du coup. Autrement dit, je ne me mouille aucunement pour rester dans ma minuscule bulle de minus. Autrement dit, ça vaut pas le coup de me parler parce que je mets un masque de beauté par-dessus ma laideur. Je dirais même plus. Mais de la merde par-dessus ma laideur encore plus. Mon masque de beauté, c'est ma merde. J'imagine naître en permanence seul. Autrement dit, je me branle. Autrement dit, j'assure que chi. En pensant à toi, mon amour, et en ta présence, j'ose imaginer. Je t'échirais sur la gueule. J'ose imaginer. J'ose imaginer que j'assure. J'assure que je fais tout ce qu'il faut pour que tu ne me dises pas le contraire. Autrement dit, je préfère dormir que de faire. Autrement dit, je préfère dormir dans ma merde, m'étaler dans ma merde. Ouais, c'est vrai ça. Je ne pas cette critique à mes défauts pour ne pas avoir à changer. Qu'il vienne dormir avec moi, je lui en donnerai autant qu'il veut. J'oisive. Autrement dit, t'en veux ? Si t'en veux, je participe de l'indifférence collective. Autrement dit, j'implique tout le monde dans mes échecs et dans mes merdes, dans ma merde. J'implique tout le monde dans ma merde. Dans un lac. Dans un lac de merde. Dit, je pue. Je sens la merde. Voilà. Oui. Je suis comme ça, moi. Ouais. Fin du 30. J'adore la merde, je suis comme ça. MD du 1, 2, 0, 4, 0. Merde. Je suis capable de rester Keblo, ouais, j'en suis capable. Keblo dans ma merde. Ouais, parce que mon Keblo c'est pas beau dans à voir. Merde, c'est pas beau. Mais alors vraiment pas beau. J'en détruis, bavant, tout ça, quoi. Léger. Alors si je veux éviter d'y rester, je veux dire baveux et tout. Vaut mieux baveux, pas que mais je prenne si c'est baveux dans ma merde, c'est bien. Parce que tu m'énerves parce carrément. Que non. Genre moi, je t'écoute pas me parler. Je pense qu'il suffirait si que tu m'embrasses pour pas que me parler. Je deviendrai plus crapaud. Alors fais gaffe parce mais que je me transformerai pas en prince quand même. Alors là, si tu me fais triper avec toi, je deviens complètement ouf, c'est sûr. Mais viole-moi. Déjà les cafards. Non, parce que si tu demandes que je te viole, c'est plus du viol, tu vois. Mais je ferais semblant de me débattre. Mais c'est quand que tu deviens ouf? C'est pas vrai, quoi. Je te fais triper. J'assure que je te frapperai. J'ai pas tout à fait compris en fait. Si je te fais triper, mais je chierai sur la gueule après t'avoir défoncé la gueule. Ouais, mais pourquoi ça, c'est pas un trip, la gueule. J'aimerais savoir comment tu veux que je te fasse triper. Si je veux pas, moi. Mais moi je veux bien. Tu veux pas que je te fasse triper? C'est du viol. Mais non, mais justement. Ouais, mais justement, moi je veux bien aussi, moi. C'est comme ça que tu veux triper? Son commentaire vibrant, par exemple, silencieux, par exemple. Sauf que voilà, je t'injecte mon sperme. Silencieuse aussi. Et en ouais. Toi, j'injecte mes maladies, car je t'aime. Tu es à moi, et jour, je suis en toi. Le jour du commun. Toujours. Quelle belle journée, ça peut durer. Grâce ça à va moi, durer. Allez, hop. Tu vivras, et tu mourras. Ainsi, tu penseras à moi. J'ai mal au crâne, je tremble, j'ai la bloblotte. Racine pour la du mal, vie. Racine de l'origine du mal, dans un la lit. Coïncidence, la racine de la coïncidence, le mal. Le mal, c'est la racine de l'incoïncidence. Combien de temps tu penseras à la lui racine ouais. Du mal, c'est la coïncidence. Le temps que mon pénis s'en aille et revienne. Incidence, ouais, incidence, pas incidence, pas incidence, maladie incertaine. Incidence, et déjà, lui, il viendra, et il reviendra. Si soudaine. Comment suicide. Pour penser à ça, en fait, pour penser à lui. Qu'est-ce qui va te retenir dans... Suicide. Qu'est-ce qui va maintenir ta pensée de vie. Suicide. C'est dans les veines, c'est naturel, et c'est pour la vie. Suicide. Suicide. C'est tout? Putain, merde, fais chier. Oui, encore ça c'est marrant, c'est vrai. Encore ça, entrer dans l'interdit. Et alors séduire, c'est quoi? Ça, ce. Ouais, mais c'est dans la gadoue. Parce que moi, je sais. Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Kadouchka! Oh, Kadouchka! Oh, Kadouchka! Why did you leave me? Ça vient du latin, c'est doux kéré. Pourquoi m'as-tu quitté, Kadouchka? Pour tourner du chemin. Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Kadouchka! Reviens, Kadouchka! Je t'aime tellement, Kadouchka! Reviens! Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Pourquoi m'as-tu quitté? Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Pourtant, c'est beau, Kadouchka! Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Je t'aime tellement. Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Gadouche, pourquoi m'as-tu quitté? Gadouchka, Bordel. Parce que tu t'es vu, t'es sale. Tu prends pas soin de toi. Tu t'es pris pour qui? Hein? T'as cru quoi? Je t'ai quitté. Oh, tu pleurniches dans ton coin, mais je t'ai quitté parce que t'es triste. Dans mon cul. Tu me fais pitié à voir. Dans ton cul, hein. J'aurais préféré que quelqu'un soit aussi franc avec moi, je m'en serais mieux remis. C'est clair, moi aussi. Ah bon, bah si t'es comme ça, franchement, quitte-moi. Si j'arrive pas à te rendre heureuse, ça veut dire que t'es pas capable d'être heureuse et que t'as rien à faire avec moi. Et on m'a respecté quand j'ai fait croire aux autres que je les respectais. Je leur disais que c'était pas, voilà, je pense que ça va pas le faire. Oh, je dis pas la vérité. Je veux de la badoire. Et l'autre regarde une bonne image du Perrier. Filez-moi de la bière. Je suis pas mieux, je suis pas heureux, je veux de la bière. Rends-moi heureuse, je veux de la bière. Filez-moi de la bière, je veux être heureux. Mets-moi en bière. Je veux être heureux. Filez-moi de la bière. Je suis si bien. C'est clair que l'honnêteté est quelque chose. Je veux être heureux. En fait, tu peux la trouver, mais dès que tu l'as prise, bah ça rouille. C'est quelque chose de très oxydable. Et oui, une honnête je me fais, tu vois, je me fais tout droit, comme ça, honnête. Mais ce qui est intéressant, saisis, fais, c'est que tout le monde croit se l'être. Et puis, en fin de compte, et je pense que c'est la même chose, même si tu es pas un phallus. Parce que dès qu'on te prend en main, l'honnêteté s'oxyde, tu mets de côté. Mais par contre, une réaction chimique entre les deux. Ma merde dans ta main. C'est sûr. On n'entend rien, parle plus fort, enculé. T'interagis, mais tu lis pas. Toi aussi, parle plus fort. Tout ce que je dis est trop fort. Non. Ah, quoi ? Je te viole, toi aussi. Ah ! Qu'est-ce que tu dis ? Yadushka n'a pas trouvé en fait. Elle n'a plus de crédit. Plus personne ne la croit. Yadushka, lorsqu'elle n'a plus de crédit, part en d'autres lieux. C'est un vrai prénom, Kadushka, les gars. Faire le commerce de la Kadushka. Si quelqu'un a cramé le jeu de la Kadushka, elle doit l'évincer. Douche. Douche. Tu n'as jamais entendu mon nom. Tu n'as jamais entendu le doux nom de Kadushka. Dans son cul. De l'habit du moine et prêche de paroles divines. Du divin continuerait-il la lumière, lumière, donne-moi ma direction, lumière, je suis perdu, lumière, lumière. Cette personne, qu'est-ce qui arriverait si au bord de la chaise je laissais mes collègues de chantier, je serais comme sous le pied du mur et je partirais dans une direction, peu importe. Qu'est-ce qu'il adviendrait de moi ? On me ramènerait près de mes responsabilités. Ou bien y reviendrais-je, car perdu, sans valeur marchande. Tes micros, ils sentent la merde. Ils sentent la merde. Ils sentent la merde, à ce qu'il paraît. Moi je trouve qu'ils sont à peu près bons quand même pourtant. Mais à ce qui paraît, c'est de la merde quand même. Alors je te chie sur la gueule. Ça sent mauvais, franchement ça pue la merde. Est-ce que tu m'as chié sur la gueule pour que ça sente comme ça? Caca. Ça sent des trucs bizarres. J'ai croisé tellement de personnes qui me disaient que j'étais une source et qui restaient près de la première. Vas-y, ça pue la merde, vas-y. Кадушка, камска, васкер, васкер, панк, секраки, секо. Роска. Сера, сера, ce n'est pas de l'espagnol. Сера. Сера, сера, c'est ma façon d'être. Сера, но. Cette fois sera la bonne. C'est un concert de Pinsout. Qu'est-ce que Yadushka. Ah. Osobuco. Qu'est-ce qui s'est passé là en fait? C'était Osobuco 4ème. Ah, vous avez crié dans les micros quoi, c'est ça? Nous sommes rentrés une sorte d'osmose. Ah ouais, d'accord, pardon, excuse-moi. Non, mais je vous dérange. T'es touché sur la gueule, c'est pour ça? Ah merde, non. On a mangé de la merde et. Fais ma bord comme ça. On n'était pas en train de crier, on était en train de chanter. Ça fait chier, mec. On chiait dessus, c'était trop beau. C'est vraiment qu'une merde. Il y a de la merde partout, partout, de la grosse merde. Chanter, c'est beau, c'est pas permis. C'est j'ai reçu de l'amour d'une personne que je ne reconnaissais pas par derrière. Et en fait, je n'ai pas dit non. Parce que ça partait d'une bonne intention, il me semble. Après, j'ai été déçu quand je me suis retourné. Le battement du sang descend dans parce qu'en fait, j'ai été étonné parce que ses doigts étaient presque féminins. Et ça m'a gêné en fait quand j'ai vu que c'était des mecs et des doigts d'hommes. Que cette haine pleine de peine, le doigt froid, droit vers toi, si je vois. Bande, bande. Bande de cons. J'aimerais bien que vous arrêtiez d'être des enfants en fait. J'en ai marre. Bande, bande. Bon, je l'ai dit à tout le monde que je vous fréquentais, mais par contre, vous me foutez pas la honte dans la rue, quoi. Bonde, bonde, et encore bondis sur ta proie, que tu ne conçois pas comme le miroitement de ta propre personne. Il y a des coquilles dans l'endive, donc. Personne ne te suit sur le rythme de tes pas. L'endive vibre. Tu crois que tu te jettes sur une proie, mais en fait, c'est toi qui te jettes dans un piège. Et de piège en piège, tu es fier de te relever à chaque fois, même si tu as perdu ta rate et ton foie. Alors des fois tu boites, aujourd'hui cela ne se voit pas. Parce que tu t'es coupé le bras et le pied pour être ré du cul dans mon cul, ouais. Que tu ne souffres pas de la chaleur. Je vomirai sur ma tombe en attachant au radiateur. Je vomirai sur tes tombes jusqu'à ce que tu ne ressentes plus rien. J'irai uriner sur ma tombe d'eau. Il y en a qui chantent, mais on les entend. Je violerai toutes les lois seul, pour arriver. Seul bémol. Tellement communiste que l'on les entend pas. Mon cul. Renvoie au marquis de Sade, justement. À force de faire partie du commun. J'ai personne, tu es un certain. J'aurais aimé que tu saches tout. Dès le début. Et que ma haute est bouche. Comme un toutou bien dressé, tu dans sors mon cul. Tout de ta prison dorée. Dorée la reine. Dorée l'exploratrice. Dorée ce trou. Dorée ce. M'accompagne dans ma Corée. Doré, ça fait briller. Doré, et tous ses amis. Et tous ses amis ne jouent jamais le mi ni le la. Doré, allez doré, le cul d'un autre. Doré la pilule. Doré, allez, faites péter, envoyez-moi le. Je compose mes proches, car à la bière j'adresse mes prières, car sans du bon vin, je crois plus en rien. Doré, mon trou du cul s'il vous plaît. Dorez-moi l'anus avec de l'anus confiture. Avec l'emballage autour du chocolat. Il est doré, c'est vrai, ça fait joli. Sur un cul, sur un pénis. Viens, on sera des amis si on se fait dorer. Dorer, dorer la pilule. Dorer, dorer, dorer quand je t'encule. Moi je sens cette chaleur qui est vachement plus humaine que celle qui est passée dans des vacances un peu plus humaines. On va s'assimiler les autres avec nos complètement d'orée, avec frère de notre constitution. Dorez-moi la douce s'il vous plaît. Dorez comme tu humes. Dorez-moi la douce s'il vous plaît. Doré, doré, ça y est, cette fois-ci c'est moi le marteau. Tu es l'enclume, c'est pas trop tôt. Doré, je vais te dorer, de doré, dans le trou du doré, cul, on voit un peu plus immaculé. C'est le coït qui fait doré, que la vie doré, continue dans doré, un mouvement cyclique. Dorez-moi doré, la doré, je comprends doré, un peu tout cet doré, univers. Doré, doré, doré, doré, la vie c'est très dur. Doré, doré, on cherche la dorure. Doré, doré, faites briller cette image. Doré, doré, doré, doré, doré, quand tu reprends ton souffle. Sur le noir, les gars. Putain, je vous laisse 30 secondes et voilà ce que je vois quand je reviens. Doré, pas ouin. On en a marre. Le lion est mort ce soir. Le lion est mort, ouais. Ouais, doré, doré. Dans mon cul. Sur le truc. Vas-y, mon dragon. Doré, doré, doré, doré. C'était la 457. Fa dièse, en... mi bémol, en fa et sol. Allez, maintenant on va chanter mi... fa dièse, mi bémol, sol, ça vous dit? Fa dièse, mi bémol, sol. Fa dièse, mi bémol, sol. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Eh non, mangez de la merde. Mangez de la merde. Ouais. Pas du Roll Arsène dans leur gueule. Si, je peux. Maman. On voit le Larsène, t'as raison. Il faut faire. Non, c'est pas une bonne idée. Ces curieux là qui sont en train d'écouter ce qu'on est en train de composer. Parce que nous, on est des compositeurs. Et même qu'on est constitué de composites, nous, on est un peu des fragments de la vie. On est le sable qui fait briller les étoiles. Eh oui, le sable fait briller les étoiles. Dans ça, la vous merde, le saviez dans pas. La merde. Hein. Mais cette chanson sur l'arrêt doré, c'est 500 euros par personne qui veut les recruter. Envoyez vos dons à canalsud.net, vous trouverez un lien très favorable. Ça s'appelle don et vous donnez parce que c'est comme ça que ça marche. Si on entend plus voilà, ce que je dis. Et vous avez juste à cliquer sur PayPal, envoyer 5000 euros. Mais c'est non, si vous avez des problèmes dans votre vie, je peux vous aider à les résoudre. Il faut juste m'appeler et ça marche. J'aimerais. Alors, je vous fais ça par téléphone et vous n'avez plus aucun souci. Par contre, ça coûte un peu cher. J'aimerais qu'on répare mon micro. Redonne le numéro, s'il te plaît. 08 999999. Merci Gisèle, ça fait super plaisir de ta part de t'avoir. Non, non, ça c'est pas vrai, ça c'est une pollution phonétique. Le numéro est là-haut, là, là-haut, là, là-haut, là, là-haut, là, là-haut, là. Carrément au paradis quoi. 61 au 05 au paradis. 05 61 53 36 95. Voilà, comme ça vous pouvez nous appeler et nous communiquerons avec vous. Et on pourra vous violer textuellement. Wow, et vous allez l'apprécier énormément. Là, si je vous appelle, vous m'entendez là ou pas? Vous m'entendez là quand je consomme? Ouais, mais sinon, juste avant, tu m'as entendu ou pas? Oui, je crois que je t'entends. Mais tu m'entends dans le casque ou tu m'entends? Je t'entends dans le casque, je te réponds à casque. D'accord. Je suis rassuré, c'est bon. Parce qu'en fait, je savais pas dans la vie ce que je faisais si il y avait des gens qui le voyaient, quoi. C'est vrai que ça marche, effectivement. J'avais l'impression que j'étais tout seul, tu vois. Je le valide. Ah. Quel bonheur. Merci. À votre santé. À la tienne. Un chin, un petit loupio. À cette nouvelle année formidable. Fruity Loop. Oui, skull, Fruity Loop. C'était ch'tesse. Tunturi Pussico. Sexuel repenti. J'aime dire des conneries. Tu es du côté du rouge, donc tu dois dire des conneries plutôt chaudes. Et moi, c'est bleu, donc c'est plutôt spirituel. Ah ouais, soit spirituel voilà. Et... C'est, moi, c'est plus au sombrero de la mer, tu vois. Ta gueule. Tu es ma main, ma moitié. Tu es mon cœur et ma folie. Tu es mon sombre et mon clair. Tu es mon cerveau qui pourrit. Tu es un morceau de ma chair. Non. Non, on vous entend pas, ça sert à rien de parler. Et chinois, tu vous m'entends. Ouais, putain, je parlais dans le monde tout à l'heure. Mais tu entends le micro, tu vois. Pas trop. Et c'est bizarre, Canal Sud s'est arrêté de bouger. C'est bizarre, la radio nuisance a arrêté de nuire. Alors plus fort, faites vibrer vos corps, entrefrottez-vous, faites des flammes, des étincelles, faites-nous vibrer, même sous les aisselles, tout cela quoi. On va augmenter l'audition auditive. Et même que les gens ils vont être impressionnés hein, par la qualité sonore de cette radio numérisée, totalement high-tech hein. Vraiment elle est super fluide. Franchement vous me faites. Fluide dans mon ami saint Le viol c'est pas bon pour les neurones. Non. Le viol c'est bon pour les neurones. Ah si, ah si, ça a été prouvé. Ah quand même, excuse-moi. C'est un fait. Il est vrai que quand l'on pénètre une proie abrupte et serrée, vraiment serrée, inapte, c'est le mot. Quand tu l'as fracassée, elle devient inapte. Au moins 20 cm entre toi et mon pénis. Ouais, hein, bah, voire plus. Ouais. Beaucoup moins à un moment. Vous êtes dans l'ascenseur Canal Sud. Veuillez faire votre course au premier étage. Et barrez-vous vite, c'est l'enfer ici. C'est un vrai carnage. Et c'est bien dommage. Ça me ferait presque pitié d'être. On s'en remettra et on verra demain la couleur d'un ciel qui nous tend la main. Alléluia mon frère. Alléluia mon père. Alléluia. C'est encore hier. Alléluia. Regarde avec ses yeux noirs, ils me font peur. Les méchants, j'aime ta douleur. C'est le sac, saloperie. Je toujours sans méchant. Mais chante. moindre douleur. Faites-moi mal. Allez-y là, faites-moi mal. Parlez-moi de mon cul. Ta tête est malade ? De mon cul. Moi, je vais vous raconter une petite histoire que je fréquentais quand j'étais toute vieille. Il était une fois trois petits cochons qui avaient la bite en flan. Mangez les champignons. Flan. Habité par le démon obsessionnel d'une envie de culbuter, constitué de petits gestes délicats. Mais oui, ton micro est très bien allumé là. Oui, ah, tu le sens pas? Maintenant que tu me réponds aussi, maintenant. Oh oui, tu les sens. Ouais, moi je t'entends très bien, je suis derrière toi. Tu m'entends bien? Ouais. Tu m'entends bien? Comment est-ce que tu m'entends? Oui. Et ouais, bien. Moins bien que mon ami là, si à moi. Plus profondément. Encore. Plus fort. Encore. Ah oh, ouais. Mets tous les hardcore. Hardcore. En trois lettres, tu me peux demander. On entend ou pas? Je continue à essayer de t'exciter. Tu es timide, Kadushka. Aussi bien que certaines plus que choses. Les fois où je te vois. Mais je m'agite. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Oui, mais je continue à mouver. Je te sens en moi. Je suis pas timide. En toi, j'aimerais être plus souvent. Tu veux que j'augmente un peu ton micro, peut-être? Vas-y, je t'en mets un peu plus. Tu le sens là? Vas-y. Oui, là, tu le sens. Hein. Ouais. Ouais, j'avoue, ouais. Là, je le sens, là. Sauf que là, c'est un petit peu trop sur les aigus. Là. Mais ça résonne. Non, ça résonne pas. J'entends ma voix, là, c'est pour ça. Moi, j'entends la mienne et la tienne qui se mélangent sur une infinie de fréquences. C'est assez impressionnant. Moi, j'ai été à Canal Sa, à Canal Sud. J'ai rencontré Al. Al qui connaît bien Canal. Ouais, mais ça n'a rien à voir, je m'appelle Al avec un H. Ouais, ça va, j'étais dans les rimes là, mais bon, si t'es là pour casser les délires, c'est bon. Merci Al de Canal. Ouais, mais ça marche pas parce qu'il y a un H, donc ça ferait Can ou Can. Al de Anal. Al de Can, Al. Al de Anal. Al, tu vois, donc ça va pas, ça peut pas marcher comme ça. On parle de matière et de Anal. En fait, Al de Danus. Danus. Al d'Anus. Al-Lanus. Al-Lanus, c'est vachement plus clair comme ça. En fait, il n'y a pas de H à Al. C'est vrai que la nuisance n'a pas d'heure. Ni de sens. Le tyrannosaure est lâché dans l'enclos. Oh, il a faim. Aujourd'hui est le jour. Le jour du cum. Quelle belle journée. Culture de stock, de blancheur. Aujourd'hui, le plus horrible jour de ma vie. Je vais même pas crever, je crève. Je veux crever. J'ai la belote parce que j'ai toujours eu un joker. Aujourd'hui est le jour. Oui. Un coquer. Comment bon. C'est pas trop comment okay. Bon. D'avoir un joker. Comment bon. Le jour un du comment. Un joker ou un coquer. Le jour du comment bon. Le jour du comment bon. Le jour du comment bon. Le jour du comment bon. Le jour du comment bon. Le jour du comment bon. Le jour du comment bon. Le jour du comment bon. Le jour du comment bon. Le jour du comment bon. Le jour du comment bon. Le jour du comment bon. Le jour du comment bon. Le jour du comment bon. Le jour du comment bon. Le jour du comment bon. Quelle belle journée ça peut être. Le jour du comment. Quelle belle journée ça peut être. Le jour du comment. Quelle belle journée ça peut être. Le jour du comment. Quelle belle journée ça peut être. Le jour du comment. Quelle belle journée ça peut être. Le jour du comment. Quelle belle journée ça peut durer. Ça va. pas durer. Allez hop, boum. Le jour du Cumin, smart. Quelle belle journée, ça se durer, ça va durer. Allez hop, boum. Le jour du Cumin, quelle belle journée, ça se durer, ça va durer. Allez hop, boum. Le jour du Cumin, quelle belle journée, ça peut durer, ça va durer. Allez hop, boum. Et le jour du Cumin, quelle belle journée, ça peut durer, ça va durer. Allez hop, boum. Le jour du Cumin, quelle belle journée, ça peut durer, ça va durer. Allez hop. Le jour du Cumin. Quelle belle journée, ça peut durer, ça va durer. Allez hop, rupture de stock de blancheur. Aujourd'hui, le plus horrible jour de ma vie. Je vais même pas crever, je crève, je veux crever. Je suis crevé, j'ai froid. J'ai mal au crâne, je tremble, j'ai la bloblotte. Mais ça va passer, c'était qu'hier était une drôle de journée. Demain est une autre, et le jour du commencement sera celle de la chaleur et de la vie dans le dent. Sera c'est toi qui le dis, alors je n'y crois pas parce que ça ne vient pas de moi. Perdu dans le paradis, on sera en train de nager dans la bière et de faire l'amour dans la folie. Il n'y aura de place pour rien. Prenez une barque, l'oubli. Il n'y aura que la chair, les plaisirs de la vie. Il y aura l'absinthe et la mer, l'acide et la folie. Petit plat en tes oignons que je verrai dans ta face. Brûlés dans le four et qui seront bien cuits, ce sera le paradis. Autre chose si tu sens que ça sort de tes noyaux, car mon pénis est beaucoup trop grand quand il pénètre ton petit corps. Je n'aime pas vraiment les asiatiques, mais bon, j'aime vraiment chemin de sticker à sticker. Je perds la colle, elle me fait vibrer, me donne des illusions de cogne et allez, frappe au plus profond de mon être. Oui, t'inquiète non, mais... pas, tu vas la sentir, ma quéquette. Mais est-ce que t'as de la conversation? Non, parce que je suis le roi des cons. Comment voudrais-tu que j'en aie si seulement ça avait été le cas? Mais je ne serais toujours pas là à te demander pourquoi et comment vais-je faire pour te relancer cette fois-là. À toi, dis-moi. En ai-je ou suis-je trop con? Si tu m'en donnes, j'en ai. Je ne peux pas avoir la conversation si tu ne me jettes pas la pierre. Tiens, prends mon pauvre, apprends à nager. Fais ta dernière prière. Il y avait une bonne intention, alors je l'ai bien rattrapé. Bien et je te la relance comme ça, toute chaude à repier. Et tu peux la mettre vu qu'elle est chaude sous tes pieds. Ça fait une bouillotte. Tu m'étonnes, c'est chaud sous mes pieds. Ça fait même un. C'est hot. You like speaking English? No, I don't. No. I like, but I'm big shit in English. Oh, I'm wonderful in English. You want me to give you some English lessons? First lesson. He is the freaking teacher. No! I think, Bonjour. I'm going to hello. Let you I need some practice because repeat after me. Max, I need your help. I want I need your to help, have Max, sex with an unknown repeat Pete. After me. I want Bonjour. To have sex with a unknown Pete. Bonjour. I want to have sex with a unknown Pete. I want to have really sex. I want to have sex with a young unknown. Today, I want to have sex with a young unknown. Today, I want to have sex with a young unknown. Bonjour, I want to have sex with Bonjour. I want to have sex with an unknown. I want to have sex with unknown. In any time, young unknown. I can speak at present, but don't. Le mal, c'est la racine de l'origine du mal. Racine de l'origine du mal. La coïncidence. Racine de l'origine. Racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de racine de Ça, si et ce, embourbé dans la gadoue. Pourquoi m'as-tu quitté? Gadoucheta, couverte d'insatisfaction, purte d'insatisfaction, purte d'insatisfaction, purte d'insatisfaction, purte d'insatisfaction, purte d'insatisfaction, purte d'insatisfaction, purte comme un trait de cam, de camelot, de merde en bois, de chiottes, de pute. Ça me fait marrer alors je le fais, je me mets à le faire. Alors qu'insatisfait, il hésite à s'accrocher, perte d'insatisfaction putride. Pourrite comme un trait de cam, de camelot. Pourrite comme un trait de cam, de camelot. Pourrite comme un trait de cam, de camelot. Pourrite comme un trait de cam, de camelot. Pourrite comme un trait de cam, de camelot. Pourrite comme un trait de cam, de camelot. Avec son chien de traîneau, de camelot. Ta cheminée, pour Noël, c'est coloré. De Camelot. J'ai les boules comme un arène de Camelot. Pour comme un trait de cam de Camelot. Camelot. Camelot de merde en boîte de ch... Comme un trait de cam de Camelot. Ça me fait marre. Comme un trait de cam, de camelot, de merde en boîte, de chiottes, de pute. Ça me fait marre. Comme un trait de cam, de camelot, de pute. Gâterie de son enfance, incompris même de lui lors de son adolescence. Yeah. Ouais, ouais, allez, plus fort, plus vite. T'es vraiment quelqu'un de formidable. Le public en veut encore. Peut-être qu'il aurait arrêté de se crisper. Est-ce si t'étais que... venu lui serrer. Et encore. Mais tout s'est renversé. Vous voulez peut-être une musique d'ambiance après cette musique rythmée j'aimerais de bien la guitare. Un truc un peu lounge, tu vois. Un truc lounge. Ouais. Comme ça. En fait, vous aimez ça. En fait, c'est plus facile ça, de me la mettre quand on met dans une ambiance comme ça. C'est bien cela qui est la solution. Ou tu sais, un autre truc qui est en stock justement, j'aime bien que les mecs ils me la mettent, tu sais, quand ils ont un univers construit de toutes pièces, un truc qui paraît léger, idéal et facile, tu vois, genre, juste qu'ils puissent me séduire un temps, tu vois. Un truc comme Robin. Je serai lassé et je passerai à autre chose. Tu veux un Robin qui te la mette dans la nuit? Non, mais là, c'est avec plein de caméras. Moi, c'est pas ça, moi je cherche quelque chose de pas matériel, tu vois. Je cherche. Non, mais toi et moi, dans un loft avec des caméras, c'est pas matériel, t'inquiète pas, c'est physique, tu vois. Ouais. Non, il faut essayer de nouvelles choses. Bah ouais, essayer. Moi j'ai essayé un peu. Si, voilà, c'est physique, c'est animal. Après, les gens ils votent, tu vois, ils regardent la caméra, ils disent ah oh, lui il était plus fort, tu vois. Mais il est cool parce qu'on le regarde. Bien enculé. Non, mais il est tranquille. On parlait de quoi là? Loft. Du loft, lui et moi dans un loft avec des caméras, je le c'est prends. C'est quoi le loft là. Déjà je sais pas, mais moi je veux le prendre dans un loft avec c'est des caméras. C'est dans lequel les gens. Et les gens ils votent, tu vois, ils disent ah oh, lui il y allait vraiment fort, tu vois, il a bien enculé, tu vois, dans un loft tout rose avec plein de caméras. Ah, tu veux dire loft. Ah, comme ça ? Ouais, d'accord. En fait, mais le loft, c'est quoi la définition du loft en fait ? C'est quoi même, un cube dans lequel des humains vivent. Le loft, c'est une Attends. Prison, c'est une salle, on t'enferme, c'est une prison avec des caméras. En fait, tu choisis d'y aller, en fait, parce que tu consacres ah ouais. toute ton énergie à Sauf ce qu'on va voir de rose. Toi. C'est un peu comme Facebook, caméras, quoi. C'est faire la publicité de soi-même, en fait. Ouais. Parce que tu penses que la vie se résume loft, à ça. Un loft, c'est rouge ou c'est rose. Et il y a moyen de mettre, y a moyen de mettre un doigt dans le cul au loft ou pas? Je sais pas. Dans son cul à soi, je veux en dire. En fait, il y a moyen de c'est possible. Sur mesure pour ça. Tu mets un doigt, ça devient rouge. Tu peux faire ce que tu veux tant que ça reste mercantile. C'est ce que je pensais aussi, qu'il y avait sûrement moyen. Donc, je proposerai une définition du loft. Un endroit où on peut se mettre un doigt au cul si on veut. Ouais. Ça marche ça, définition du loft quoi? Ben ça dépend si ton cul saigne ou quoi. Si ton cul saigne. Ouais, il saigne, t'inquiète, il saigne. Ah ouais, d'accord. Le loft qui nous fait saigner les fesses. Qui nous offre le stress enfermé entre quelques. Dans la gueule! Ta gueule! Je te chie dessus. Espèce de sale morue, je te chie dessus. Je me torche avec tes dreadlocks. Je suis pas convaincu. Par moi, j'aime ton petit ton, derrière. Mais mon derrière, il chie sur la gueule. Même c'est pas un bonheur jusqu'à ce moment. Franchement, la tu me sens pas vibrer quand tu me dis ça. Je me dis, le mec, il a une grande gueule, mais il me défoncera jamais le cul. Ananus, il fait péter. Bien sûr que si. Ananus des amis. Présente-le-moi. Présente-moi que sur ton cou, il y a une putain de verrue. C'est ta tête. C'est ta tête. Des verrues, des bonnes grosses verrues sur ton cul. Qui va te faire foutre. Trois enculés qui reviennent du ramier. Trois enculés qui reviennent du ramier. Yeah. Je vous ai un peu coupé votre délire. C'était pour dire que vous écoutez Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. On aime le caca. Et Nuisance, c'est l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Et donc le téléphone, c'est le 05 61 53 36 95. Je répète, notez-le. 05 61 53 36 95. Et donc vous pouvez ne pas nous appeler si vous voulez. Et sachez que bientôt je vais être obligé de tous vous snobber. Voilà, je vais tous vous couper dans 30 secondes. Attends, laissez-moi faire. Toi aussi, non, dans quelques minutes. Toi aussi, je vais te snobber. Moi, je vais bien faire. Dans quelques minutes, c'est la grosse partouze. Et venez. Tu vas couper quoi, mec? On a que ça à foutre. Tu vas couper quoi là? Eh, on t'a coupé. Un truc comme devine. Ma petite, les tympans. Et mes tympans ne saignent pas. Et je dors. Je m'endors en levrette. Massacre inopiné, sans pine quoi, sans se faire piner, sans se faire niquer, défaut oblige, commettre des fautes, tout le temps des fautes, et on voit que ça, le stylo sur l'enclume, péter le stylo à la massette, à la faucille. Bon, c'est vrai, je suis méchant, vous pouvez encore vous exprimer un peu si vous voulez les gars. Bah, je crois que c'est une... ouais toi aussi je vais te snobber un jour. Exprimons-nous. Mais je le revendique. Je l'exprime. Oh, et profond. Me laisse pas s'exprimer. Je te snobberai tant que tu snobberas ce que tu dois être. Je snob, tu snob, il snob. Et c'est pas que j'en suis juge, mais quand même. Je juge le jus qui jugule et que. Qui me stimule en fait, voilà. Chers auditeurs, nous excusons de ces attouchements auditifs. J'espère que la prochaine fois vous serez présents pour pouvoir passer à des choses plus concrètes. Et productives. Oui, productif, oui, tout à fait, mais productif, je dirais plutôt destructif. J'espère que vous viendrez, que vous nous appellerez un de ces jours, un vendredi soir, où nous formerons à la démolition. Viendra. Oui. Viendra pour moi. Parce que c'est pas une mince affaire. Oui, c'est quelque chose qui prend du temps, de l'exercice, vous verrez. Le numéro de son avocat est le 06. Ici, nous avons un loft rouge et bien scellé. 12, 27. Nous pouvons vous claustre. Comment on dit ça? Claustrophobé. Non, séquestre. Dans une boîte. Oui, voilà, dans une boîte fermée. Et prendre du plaisir. Sur vous, avec alors vous, et peut-être pas avec votre consentement, mais avec vous, c'est déjà une bonne chose de faire. Attends, voilà, rejoignez sans qu'elle en soit trop. C'est notre job, je me sens déjà dedans. Et pourquoi n'a-t-on pas autorisé les vidéos de masturbation sur Facebook? Parce que c'est un scandale. Pourquoi je n'aurais pas le droit de me branler sur l'internet? On peut créer un scandale sur Facebook, on peut poster les photos de ces nouvelles sandales, mais on ne peut pas se masturber. Ça existe. C'est un canal qui marche, on est d'accord. Ouais, ça marche, mais ça marche pas très bien parce qu'il y a Farid qui fait des trucs. Et moi je te viole parce que Facebook c'est la merde. Ouais, mais tu portes ton book, machin, tout ton book, et c'est comme ça. Ça, c'est les droits de l'homme. En fait, ouais, ça, c'est les droits de la bête, je te viole. Et ben, ça deviendrait tellement insignifiant, finalement. Tout le monde s'en foutrait, ça, moi, ça se vendrait plus. Moi, je me branle tellement intellectuellement. Se branler, donc, du coup. On arrêterait, ouais, de ces futilités, en fait, on se ferait tellement chier. Ça serait pas sa sensation. Ça serait tellement commun. Que le transit nous On serait obligé de changer. Quelque chose de mieux que la masturbation. Changer 2012, une année sans masturbation. Après 30 jours de méditation à attendre le moment enfin venu. Mais dis-moi, est-ce que tu as un profil Facebook? Oui. C'est vrai? Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu mets dessus? De ces questions? Je mets mes photos de vacances. Bah, c'est les trucs pour les amis, quoi. D'accord. Je mets mes emails. Tu sais, quand j'ai un ami que j'ai perdu depuis longtemps, et bah, je le retrouve par là. Ça m'aide dans la vie. D'accord. Ça me permet d'être en contact avec les gens qui sont loin de chez moi, quoi. Super. Bah ouais. C'est vrai que c'est génial. C'est un outil comme un autre. Bah écoute, moi. De se faire ficher par l'État. J'ai tellement d'outils chez moi. C'est un outil comme un autre. On est tous avec toi. On s'y inscrit gratuitement. Et bah, moi, je vous dis que vous vous êtes affilié à l'ordre de George Orwell quand vous vous êtes inscrit à ce site. Que cette personne avait prévu cette fin du monde depuis longtemps et que tout le monde en ce moment panique pour la fin du monde, mais qu'au final, ce livre l'avait déjà décrit et que c'est déjà en application. 1984. Moi, je vous dis ce que c'est que Facebook. On a beaucoup, beaucoup d'outils. Hein. Moi, j'arrive plus à respirer chez moi. Tellement j'ai d'outils et d'applications. Oui. Nous n'avons plus le temps. J'ai plein d'applications, mais je m'implique pas vraiment dans les choses, tu vois. Et je constate qu'il y a beaucoup de gens aussi. Du temps ensemble, du plaisir. Vous êtes en train de parler quelque chose ou Non, on parlait de ton implication. Oui, des technologies qui nous empêchent ton implication, d'avoir du temps pour nous, de la profondeur, à ne pas t'impliquer. Du temps entre nous, tu vois. Nous sommes avec la technologie, nous fusionnons avec la technologie. Hein, tu parlais de mon cul. Nous fusionnons avec la technologie tellement que justement j'en oublie de communier avec ton cul, tu vois. Un anus, des anis. On parlait de George Orwell et de la littérature. Ouais, attends, bah justement, littérature, regarde, j'ai passé un truc, c'est super bien, c'est moi qui viens avec la bouchure, sûr que c'est pas fini. Et je vais vous couper en fait, les gars. Toujours envie de se taper des queues, toujours envie de baiser, de chier, de dormir, de manger, de dormir, mais jamais le courage pour le faire. Fayardise, rêverie. Ainsi vont les jours d'Al, dans les méandres de la pensée discursive, genre, tu vois ce que je veux dire, non? Toujours taper des G. Et on les éclate, direct, cash. Nous content, moi content, toi content, eux, toi, tu, il, compte toi, tu, il, compte toi, tu, il, compte toi, tu, il, compte toi, tu, il, compte toi, tu, il, compte toi, tu, il, compte toi, tu, il, compte toi, tu, il, compte toi, tu, il, compte toi, tu, il, compte toi, tu, il, compte toi, tu, il, compte toi, tu, il, compte toi, tu, il, compte toi, tu, il, compte toi, tu, il, compte toi. Tu, il, compte toi, tu, il, compte toi, tu, il, compte toi, tu, il, compte toi, tu, il, content. Nous.